Vous écoutez donc Futur Simple 89,1 et nous commençons par un sujet qui relève presque de la science-fiction, l'utérus artificiel. La sociologue Sylvie Martin s'est penchée sur cette question et a écrit un livre paru cet automne aux éditions Libère. Ce livre s'appelle « Le désenfantement du monde » et son auteur est au téléphone avec nous. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Donc, vous êtes sociologue diplômée de l'Université de Montréal. En quoi consistent vos travaux et dans quel contexte, finalement, est née cette recherche sur l'utérus artificiel? Au courant de mes études au baccalauréat en sociologie à l'université, j'ai pris un fascinant cours sur les technosciences. C'est là que j'ai appris l'existence de ces recherches sur l'utérus artificiel. A priori, à mon sens, ça m'apparaissait très, très difficile de comprendre pourquoi on voudrait créer des enfants dans des machines. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé de... je me suis dit, ben là, faut que je comprenne absolument pourquoi on voudrait un tel objet. Mm-hmm. Et j'ai décidé de faire mon mémoire de maîtrise sur le sujet. D'accord. Donc, sur des machines, donc utérus artificiel, de quoi parle-t-on en fait? Ben en fait, c'est dans plusieurs laboratoires à travers le monde, donc essentiellement dans les pays industrialisés, nord-américains, européens, asiatiques, plusieurs chercheurs qui travaillent en fait depuis les années 50, surtout depuis les années 70, sur la possibilité de créer un utérus artificiel, donc une matrice, une machine qui permettrait de reproduire la reproduction, si on veut, de la conception jusqu'à la naissance, complètement à l'extérieur du corps. Bon, ça fait un petit peu science-fiction. Est-ce qu'il y a vraiment des développements scientifiques qui laissent entrevoir dans les années à venir qu'on puisse effectivement faire une grossesse en dehors du corps de la femme? À l'heure actuelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de la science-fiction lorsqu'on se penche là-dessus parce que déjà, à l'heure actuelle, il y a des technologies qui permettent de reproduire des parties de la reproduction à l'extérieur du corps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ectogénèse, donc la genèse à l'extérieur du corps. On n'a qu'à penser aux technologies de reproduction, par exemple, qui reproduisent le début de la grossesse à l'extérieur du corps. Et on peut aussi penser au domaine de la néonatologie, avec les incubateurs pour les prématurés, par exemple. Mais c'est déjà une première forme d'utérus artificiel. Et là, on s'aperçoit finalement que le passage obligé à l'intérieur du corps de la femme pour le développement, pour assurer le développement de l'enfant, semble devenir, facultatif. Il diminue, il se raccourcit. Oui, c'est ça. Et là, on s'aperçoit que le seuil de viabilité des nouveau-nés prématurés ne cesse de descendre. Oui. Depuis les années 70, on est passé de 28 semaines à 22 semaines, donc le seuil à partir duquel les enfants peuvent survivre. Mm-hmm. Évidemment, il faut rappeler qu'ils survivent peut-être, mais pas nécessairement dans des bonnes conditions. Et les questions de justement la santé des bébés prématuré est rarement souligné par les promoteurs de l'utérus artificiel, là, mais ça, c'est une autre question. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, on est capable de faire le début avec la fécondation in vitro, donc d'aller plusieurs jours de la grossesse, et on est capable de faire le dernier morceau, donc lorsque les enfants naissent de façon prématurée, finalement, on les met dans des incubateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est relier les deux bouts. Donc, essentiellement, ceux qui font un peu la promotion de le projet de l'utérus artificiel suppose qu'éventuellement les connaissances et les expertises vont pouvoir joindre leurs efforts et converger, se mettre en commun pour mettre sur pied un utérus artificiel. Mais ça, c'est l'hypothèse principale. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un intérêt scientifique? Est-ce qu'il y a une volonté sociale pour relier ces deux bouts? De mon point de vue, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, peu importe si... Je peux pas prédire si ça va s'effectuer effectivement. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les pratiques contemporaines, donc notre façon de penser la maternité aujourd'hui et notre façon d'intervenir sur la grossesse et l'accouchement, c'est ça qui m'a intéressée. Mm-hmm. Donc, le mode actuel d'enfantement est très, très riche. Déjà, c'est très, très technologique. Et c'est ça que j'ai étudié plutôt que de me questionner sur l'avenir potentiel de la procréation. Évidemment, c'est un questionnement qui était présent chez moi, mais je me suis intéressée à justement d'où vient ce projet et ça répond à quoi? Parce que ça sort pas nulle part, c'est pas de la science-fiction, ça répond à des désirs, à des idées, à des idéologies, donc c'est à ça que je voulais répondre. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a comme déjà des ferments dans la société pour qu'on pense, pour que certains chercheurs pensent à mettre au point une telle machine. Ça veut dire qu'il y a quand même des prémices dans la société, une pensée qui est déjà là. Ben voilà. Et là, moi, mon, mon fil conducteur de ma recherche, c'était vraiment la question de l'effacement du corps maternel. Donc, parce que, c'est ça l'idée de l'utérus artificiel, c'est de remplacer complètement le corps. Mm-hmm. Donc, je me suis posé la question de pourquoi on voudrait s'en débarrasser. Et là, j'ai exploré, en fait, l'histoire de la médecine et plus particulièrement l'histoire de l'obstétrique pour questionner, c'est quoi la conception du corps dans la pensée médicale, comment mm-hmm. c'est développé, évidemment, comment c'est devenu objet d'intervention multiple. On a développé toutes sortes de techniques d'intervention sur la grossesse et l'accouchement pour, évidemment, la rendre plus performante, si on veut, moins douloureuse, etc. Et évidemment, il y a eu des conséquences bien concrètes et amélioratives. On a juste à penser à la mortalité maternelle et infantile qui a reculé de façon très, très importante au courant du siècle dernier, surtout. Et donc, comment on a pu intervenir sur le corps? Ben, c'est justement en essayant de le contrôler davantage, de l'améliorer, de le perfectionner. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le fil conducteur de mon analyse, c'est d'essayer de comprendre dans la pensée médicale comment ça s'est opéré. Et comment, qu'est-ce que vous avez compris, finalement? Qu'est-ce que vous avez observé que, finalement, il était maintenant nécessaire d'aller... de passer par le milieu hospitalier pour accoucher, que de plus en plus c'était médicalisé? Ben oui, c'est ça. Forcément, la médicalisation de la procréation, on a juste à penser comment les femmes accouchent de nos jours et comment elles vivent la grossesse. C'est déjà très, très biomédicalisé. Mm-hmm. L'échographie est devenue routine. C'est presque compris comme quelque chose d'étant naturel dans le processus. On a évidemment, lors de l'accouchement, le moniteur fœtal électronique. On a toutes sortes d'interventions qui sont proposées. Il y a une femme sur quatre qui accouche par césarienne. Donc, le processus ouais. d'enfantement est déjà très, très, très technique. Et le corps est de plus en plus contrôlé, manipulé. Puis, les technologies de reproduction sont assez révélatrices en ce sens parce qu'effectivement, elles remplacent le corps mm-hmm. complètement dans la création d'une vie, finalement. Ouais, donc, c'est ça que vous appelez l'effacement du corps maternel. Oui, effectivement. D'accord. Puis c'est finalement, à force de vouloir contrôler le corps, de l'améliorer, d'essayer de repousser ses limites et faire en sorte que ça devienne moins difficile et moins douloureux, tout ça, forcément, le corps est compris comme étant pathologique ou source de pathologie, source de risque constant. Et on veut toujours repousser les limites et on veut toujours aller un peu plus loin dans ce que la science peut nous offrir. Et finalement, le corps en vient complètement... à être compris comme une limite en soi qu'il faudrait se débarrasser. Donc, plusieurs arguments promoteurs de l'utérus artificiel suggèrent que l'enfantement, c'est un fardeau pour les femmes et il faudrait, en fait, s'en débarrasser en quelque sorte. Là, évidemment, c'est certains discours qui sont un peu plus radicaux, mais il reste que c'est ça que ça suggère. Mm-hmm. D'accord. Donc, finalement, l'utérus artificiel serait un moyen de se libérer de ces risques de la grossesse, de ce fardeau. Donc, irait vers une libération de la femme, quasiment? Ben, certains le suggèrent, parce qu'il faut rappeler qu'historiquement, les rôles de sexe, les différences entre les hommes et les femmes, la première inégalité, c'est vraiment les fonctions reproductives. Mm-hmm. Et que beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes se basent donc sur cette distinction première-là. Et plusieurs auteurs, notamment certaines féministes, mais il y a des scientifiques ou des éthiciens qui ont repris ces arguments-là, qui disent, ben finalement, si les femmes pouvaient être égales à l'homme face à la reproduction, c'est-à-dire ne pas être impliquées physiologiquement, certains l'interprètent comme une avancée positive pour les femmes. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il y a plusieurs gens qui sont critiques aussi de ça. Les arguments vont vraiment dans tous les sens. Mais cet argument-là de libération du fardeau de l'enfantement est assez récurrent. Mais c'est presque contradictoire parce que finalement, c'est un fardeau de l'enfantement. Mais d'un autre côté, c'est comme une subordination de la femme aux techniques médicales. Donc, ça me semble comme contradictoire un petit peu comme discours. Oui, tout à fait. C'est ça qui est fascinant avec ce sujet-là. C'est que des paradoxes, il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il faut rappeler qu'on est dans une société qui valorise beaucoup la technologie. Notre quotidien est complètement traversé de technologies de toutes sortes pour organiser notre temps, pour gérer toutes sortes de paramètres. Et de façon générale, on valorise beaucoup la technologie pour faciliter notre vie quotidienne. Donc, je pense que le rapport à la technologie dans ce contexte-là, c'est qu'on pourrait offrir la possibilité d'avoir un enfant sans avoir à passer par le corps et les différentes difficultés que cela suppose. Mais à condition de faire abstraction finalement, la femme avait cette capacité unique de mettre au monde un enfant et on fera abstraction de cette capacité unique aussi. Elle se dépossède en elle-même de son unicité, finalement. Oui, tout à fait, mais il faut aussi rappeler que depuis le mouvement féministe a beaucoup critiqué cette espèce de ce qu'on appelle l'essentialisation de la femme, mm-hmm. où, par exemple, l'identité féminine a pendant longtemps été ramenée à sa fonction de maternité. Et il y a eu beaucoup d'efforts historiquement, politiquement, pour se défaire de cette espèce de contrainte dans la pensée sociale que pour une vraie femme, c'est une femme qui assume le rôle de mère aussi. Donc, on a voulu se défaire de ça. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où la maternité s'inscrit dans une logique de choix. C'est-à-dire qu'on peut en avoir, on peut ne pas en avoir. Et quand on veut en avoir, on peut les avoir quand on comme veut, on en veut. Fait, au moment voulu. Ouais. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Puis, donc, il faut le restituer dans ce contexte-là du rapport à la maternité qui est devenu dans l'optique du choix. Donc, les arguments promoteurs de l'utérus artificiel vont beaucoup dans ce sens-là en disant, ben, pour celles qui voudraient quand même avoir des enfants naturellement, elles le pourraient, mais pour celles qui ne peuvent pas pour X, Y, Z, pourraient recourir à cette technologie-là. Fait que c'est souvent ramené comme dans un espèce de discours de logique du choix. Mais dans mon travail, j'ai essayé de mieux comprendre cette logique de choix et de liberté, d'émancipation, tout ça. Et j'essaie de le critiquer aussi parce qu'on se rend compte que c'est ajouté à toutes les sources. Mm-hmm. Cette rhétorique de la libération et de l'émancipation et tout ça. Donc, voilà. Mm. Ben finalement, c'est assez. On s'aperçoit finalement que ce n'est pas de la science-fiction. Effectivement, les ferments de l'utérus artificiel sont présents dans la société. Peut-être qu'on n'en parle pas vraiment en tant que tel, là, donc, mais c'est en cours. Donc, on s'aperçoit en lisant votre livre que c'est pas totalement de la science-fiction. Ça évolue aussi bien du côté des technologies parce qu'on a un pont à relier entre les débuts de la fécondation et l'accouchement. Mm-hmm. Et puis, ça évolue du point de vue des mentalités également. Oui. Et puis, d'un autre côté, est-ce que le discours, les enjeux éthiques que ça soulève sont suffisamment soulevés, sont suffisamment mis de l'avant? À mon sens, il y a plusieurs auteurs éthiciens, bioéthiciens qui se sont penchés sur la question. Malheureusement, la pensée éthique est souvent conditionnée par l'espèce d'argument, de l'argument thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que ça réduit une souffrance quelconque? Est-ce que ça permet de répondre à une problématique médicale? Puis évidemment, l'utérus artificiel est présenté comme une panacée parce que ça répond à plusieurs trucs en même temps. Donc, souvent, les éthiciens sont un peu forcés, ou bien pas forcés, mais arrivent à se positionner en faveur parce qu'ils disent, ben ça permettrait ceci ou cela. Par contre, il faut rappeler que n'importe quelle technologie va toujours offrir des bénéfices ou des bienfaits. Mais est-ce qu'au nom des bénéfices promis pour une minorité de la population, parce qu'il faut quand même poser la question des priorités sociales en termes de santé, là, est-ce qu'au nom d'une minorité puis au nom de, évidemment, ça pourrait peut-être soulager telle souffrance, c'est rarement pensé en termes de bien commun. Mm-hmm. Donc, on ramène souvent la question à des besoins individuels, parcellisés, par-ci, par-là, mais on a beaucoup discuté à le penser dans son contexte en termes de bien commun, de lien social. Puis évidemment, on pose rarement les questions de l'impact potentiel sur cette potentielle progéniture-là qui serait née d'une machine. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, d'un point de vue sociologique, d'être née d'une machine? Donc évidemment, c'est hypothétique comme question parce qu'on n'en est pas là. Mais un enfant qui serait né d'une machine, est-ce qu'il a le même statut humain que tout le monde? Est-ce que, vous voyez, l'utérus artificiel est très, très riche pour poser des questions vraiment essentielles de lien social, d'humanité et de filiation, évidemment. Mm-hmm. Ben, en tout cas, on voit que le sujet est riche de questionnements. On va s'arrêter là parce que c'est un petit peu tout le temps qui nous est accordé. Mais je comprends que le sujet est riche et j'invite tout le monde à ce moment-là à poursuivre la réflexion en lisant votre livre Le désenfantement du monde qui est paru aux éditions Libère dernièrement. Je vous remercie beaucoup, Madame Sylvie Martin, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Bonne poursuite dans vos réflexions. Merci beaucoup. Et maintenant, on va se reposer l'esprit et les neurones avec une courte pause musicale pour revenir ensuite sur un sujet plus festif, le vin. Vous êtes sur CKRL au 89,1.